Chapitre 5e. Comment Poltronet fit passer le goût du blé au grand singe qui mangeait les moissons. Le lendemain, on les réveilla de grand matin. Ils montèrent à cheval et partirent, accompagnés par les vœux de toute la population qui les regardait passer en secouant la tête. On leur indiqua un grand bois où le singe faisait sa demeure et ils se dirigèrent de ce côté. À peine avaient-ils pénétré sous la voûte obscure formée par les arbres, ils entendirent un grand bruit. Et ils virent une grande forme brune qui dégringolait de branche en branche, touchait la terre et s'avançait de leur côté. « C'est lui !» s'écria Dondin. « Il est encore plus grand qu'on ne nous a dit. Sauvons-nous » Et il s'enfuit en effet. Mais Poltronet ne bougea pas. Il regardait le monstre, qui bondissait à travers les arbres en brandissant un énorme bâton qu'il tenait à la main. À peine le prince avait-il eu le temps de tirer Flamme d'acier du fourreau, le singe était tout près de lui et levait sa massue. Prompt comme l'éclair, Poltronet poussa son cheval en avant. Agib s'élança et l'épée du prince s'abattit sur le flanc du grand singe. Le monstre fit un énorme saut en arrière en sentant le froid inconnu de l'épée magique entrer sous sa peau jusqu'alors invulnérable. Il porta la main à sa blessure, regarda avec stupéfaction le sang qui rougissait ses longs doigts velus. Puis il poussa un cri aigu, laissa tomber son bâton, et avant que le prince, qui attendait une nouvelle attaque, eût eu le temps de le poursuivre, il courut un arbre, qu'il embrassa, et grimpa jusqu'au sommet. Là, il s'accroupit sur une branche, et se mit à faire d'horribles grimaces, en grinçant des dents et menaçant son ennemi du poing. Poltronet prit son arc et décocha une flèche. Mais les traits qui ne manquaient pas leur but n'avaient pas l'irrésistible vertu dont était doué le tranchant de Flamme d'acier. La flèche toucha la poitrine du monstre, rebondit comme repoussée par une surface élastique et tomba à terre. Poltronet la ramassa, la pointe était émoussée et tordue. Le prince réfléchit un instant, puis il reprit son épée et frappa l'arbre à sa base. Le tronc fut tranché comme une herbe touchée par la faux. L'arbre oscilla, puis tomba avec un grand fracas. Poltronet courut vers l'endroit où les branches du sommet avaient touché la terre. Mais le singe ne l'avait pas attendu. Avant que le prince fût arrivé à l'endroit où il était tombé, il avait déjà trouvé un refuge au haut d'un autre arbre. Poltronet renouvela l'expérience et n'obtint pas un meilleur résultat, quelque diligence qu'il eût faite. Il allait recommencer encore, quand il entendit à côté de lui la voix de Dondin qui s'était rapprochée. « Monsieur, disait l'écuyer, la forêt est grande, et malgré le train dont vous y allez, vous n'aurez jamais coupé tous les arbres d'ici à 3 jours. » Poltronet regarda autour de lui. Aussi loin que son regard pouvait s'étendre, il ne voyait qu'un dôme de feuillage soutenu par des milliers de hautes colonnes. Poltronet s'assit sur l'herbe, mit sa tête dans ses mains et réfléchit. Puis il se releva et prit le chemin de la ville avec Dondin, qui était content d'avoir échappé au danger du jour présent et triste quand il songeait au danger du lendemain. Le peuple les vit revenir avec étonnement, et on ne s'expliqua leur retour qu'en pensant qu'ils n'avaient pas rencontré et probablement pas cherché le monstre qui causait la désolation générale. Sans rien dire à personne, Poltronet alla tout droit chez un forgeron et demanda qu'on lui fabriquât 2 grands sacrons, ou plutôt 2 sphères creuses faites d'un fer épais et solide avec une seule ouverture dont il indiqua la dimension. Le forgeron promit que les objets demandés seraient faits le jour suivant vers le soir. Le lendemain, le prince et Dondin quittèrent de nouveau la ville de grand matin. Dondin éprouva un certain soulagement quand il vit que son maître, au lieu d'entrer dans la forêt, se contenta de faire le tour, examinant avec soin les moissons ravagées et ramassant un à un les grains isolés de blé et de riz qui avaient échappé à la voracité du singe. Poltronet commanda à l'écuyer de l'imiter, et le soir ils rentrèrent à la ville, portant avec eux une grande quantité de grains produits de cette patiente récolte. Dondin s'était demandé tout le jour quel était le but de ce qu'il voyait faire et de ce qu'il faisait lui-même. Il avait fini par se figurer que son maître avait l'intention d'acheter la clémence du roi en lui offrant un petit pain et un plat de pilau au riz. Mais tel n'était pas le projet du prince, car au lieu d'aller chez le boulanger, il alla chez le forgeron et demanda si ce qu'il lui avait commandé était prêt. Les vases creux étaient faits et Poltronet les emporta. Il mit dedans le blé et le riz qu'il avait récolté, puis se coucha et s'endormit. Le lendemain, ce fut un grand étonnement quand on vit sortir Poltronnet, suivi de Dondin, portant les deux boules de fer. Arrivé à l'entrée de la forêt, le prince posa à terre les deux vases ronds, répandit une petite quantité de grains autour de l'ouverture de chacun et se retira à quelque distance avec son écuyer. Bientôt, le grand singe parut sous le couvert. Il les vit et sembla se disposer à s'élancer de leur côté, mais il s'arrêta, leur jetant des regards furieux. Puis il se mit à courir de côté et d'autre, jusqu'au moment où il aperçut les deux globes de fer. Il suspendit sa course sans but, regarda longtemps les vases, tourna tout autour, s'approcha d'un air indifférent, en toucha un du bout des doigts et se recula d'un bond. Encouragé par l'immobilité des objets qui attiraient son attention, il s'en approcha une seconde fois, les flaira, ramassa un grain, qu'il mangea, puis un autre. Enfin, après une nouvelle hésitation, il plongea vivement ses deux mains dans les deux ouvertures. Un instant après, le prince et Dondin le virent s'agiter avec fureur, en poussant des cris inarticulés. Il sautait de côté d'autre en agitant ses longs bras auxquels les deux gros globes faisaient comme une paire de gantelets énormes. Il les heurtait l'un contre l'autre, essayant de les briser. « Allons, Agib, » dit le prince en flattant son cheval. « Voici le moment de courir et de bien courir. » Agib s'élança. Le singe fit un bond prodigieux, arrivé au pied d'un arbre, et essaya d'y grimper. Le fer glissa sur le tronc que ses mains ne pouvaient embrasser. Alors il se mit à fuir. Mais quoiqu'il franchît à chaque enjambée une énorme distance, Agib courait plus vite que lui. Se sentant sur le point d'être atteint, il tenta encore l'escalade, battit avec fureur de ses poings démesurés l'arbre qui glissait sous son étreinte. Puis il se retourna, leva en l'air cette masse de fer, prête à la laisser tomber sur la tête de Poltronnet. Mais le prince passa sous le coup formidable qui l'eût certainement écrasé, et son épée s'enfonça tout entière dans le corps du singe. Le monstre tomba, Poltronnet sauta vivement à terre, et d'un second coup lui trancha la tête. Dondin fut aussi émerveillé qu'enchanté de voir revenir son maître, portant pendu à sa selle le laid trophée de son étonnante victoire. Le prince lui raconta ce qui s'était passé. « Il s'agissait, dit-il, d'empêcher ce fléau vivant de se mettre, en fuyant en haut d'un arbre, hors de l'atteinte de flammes d'acier. Or, le singe ayant mangé tout ce qu'il pouvait manger dans les environs, comme nous l'avons observé hier, devait nécessairement être affamé, et sa défiance devait céder à l'appât d'une nourriture facile. De plus, j'avais remarqué que les singes ne lâchent jamais ce qu'ils tiennent. Cet horrible animal devait donc enfoncer son bras dans l'orifice des vases assez large pour laisser passer sa main vide et étendue, mais trop étroite pour lui laisser retirer sa main fermée et pleine. L'événement a justifié mes prévisions. » Ils rentrèrent triomphalement à la ville. Le lendemain, Poltronnet, suffisamment comblé de bénédictions par le peuple et d'embrassades par le roi, reprenait son voyage en pensant à la princesse fêlée et aux moyens de lui rendre ce qu'elle avait perdu.